Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie d'aventure comme seuls les Américains savent les faire. Ben Finnegan est un ancien surfeur qui consacre désormais l'essentiel de son temps à la chasse aux trésors sous-marins. Depuis 8 ans, ce flegmatique aventurier rêve de découvrir la légendaire dot royale, 40 coffres renfermant d'inestimables trésors qui coulèrent en 1715 au large des Caraïbes. 31 juillet 1715, un ouragan coule la plus grande flotte d'argent de l'histoire. 40 caisses de bijoux et de pièces d'or destinées à la reine d'Espagne. Un mystère vieux de 300 ans. T'as une idée de ce que c'est? Bon sang, je ne crois pas, ça fait 8 ans que je le cherche. Une association improbable. Cette femme et vous êtes divorcés depuis 60 secondes. T'as raison depuis le début. Si on cherche pas ce bateau, ça va nous hanter toute notre vie. Ah, j'aurais jamais cru que tu me ferais miroiter tout ça. Oh, arrête, Tess, tu vas pas me frapper. Pour repêcher la plus grosse fortune de l'histoire. Je parie $1000 que je trouve quelque chose. Mais t'as pas $1000. Bon, bah dis-nous 10. T'as pas $10. Ils ont besoin d'un investisseur bénévole. Une chasse au trésor dans les Bahamas? Ouais. Mais le problème avec les trésors... Si quelqu'un entend parler de tout ça, on va se faire niquer. C'est que chacun... Si quelqu'un doit trouver le trésor, ce sera moi. ...veut sa part. Voilà ce qu'on va faire. Tu trouves le trésor et je te laisse la vie. L'amour de l'or, un film d'Andy Tennant avec Matthew McConaughey, Kate Hudson, un DVD Warner Home Video.